Alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Tu es Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia, va au Seigneur, alléluia, va au Seigneur, alléluia, va au Seigneur, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, il nous prendra, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu y es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Va au Seigneur. Alléluia, va au Seigneur. Alléluia, va au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, à moi, à moi. C'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. On sent la faiblesse dans les voix, mais que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Je crois que vraiment, c'est par sa grâce qu'on l'a pu tenir et disons lui merci. Donc, vraiment, lorsque l'aide est arrivée, je pense que sans plus tarder, je vais commencer. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Bonjour. Que Dieu te bénisse, mon cher, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va commencer. Ça va, mon cher? Comment vous êtes? Tout le monde, vous avez maigri comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez arrêter, vous mettez là-bas. Bonjour. Vous êtes prêts à ce qu'on prie? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts à ce qu'on prie? Amen. Ok. Donc, vérifiez les téléphones, fermez les téléphones. Thank you.

commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez. Toute puissance des ténèbres qui vous tenez captive au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche. Commandez, commandez, commandez, commandez. Tout poison de nuit, tout homme des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche. Nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui vous tenez captive au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ça vous lâche dans vos ventres, dans le sang, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Quitte cette femme. Quitte-la. Comment, comment, comment, comment, pour ce qui est de la forme. Comment, comment, comment. Toute puissance des ténèbres, toute sémence des ténèbres, Commandez, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus. Elle n'appartient plus à votre clan, elle appartient au Seigneur Jésus. Dieu a assez manipulé sa vie. Allez, lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la, lâche-la, lâche-la, le doigt de Dieu contre toi. Nom de Jésus de Nazareth. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie, tu quittes sa vie. Sors! Sors! Sors! Tout ton poison. Là, il s'assoit pour parler de moi. Sors! Là, il s'assoit pour venir l'aise. Sors! Il n'a aucun accès sur ma vie, sur ma soeur. Il n'a aucun accès sur la vie de mes enfants. Il n'a aucun accès sur la vie de mon mari. Il n'a aucun accès sur la vie de Fils encore, toutes les poisons, il est vers or. Or! Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Qui s'en va? Qui s'en va? Toi, esprit de sorcellerie. Toi, esprit de sorcellerie. Qui sort de sa vie? Je te sépare d'elle aujourd'hui. Tu quittes sa vie maintenant. Tu quittes sa vie. Sors. Sors. Sors. Lève-toi, madame, lève-toi, lève-toi, lève-toi ici, lève-toi. Lève-toi. Laisse qui sont vannes. Qui sont vannes. Qui sont vannes. Qui sont vannes. Qui sont vannes. Qui sont vannes. Qui sont vannes. Non, Jésus Christ de Nazareth. Non, Jésus de Nazareth. Tu la quittes maintenant. Aujourd'hui, elle veut la séparation. Il y a le poison dans ses ventes. Il y a le poison dans ses ventes. Il y a le poison dans ses ventes. Tu quittes ton ventre. Tu quittes ton ventre. Sors! Qui t'en vante. Qui t'en vante. Ouais, esprit de sorcier, tu quittes ton ventre. Nom de Jésus de Nazareth, tout poison, tout problème avec ton système, je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça sorte. Sors.

C'est l'esprit qui a beaucoup le plus duré ici. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Toi, sorcière. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Allez, vomis-moi tout ça. Vomis tout tes poisons. Tout, ça doit sortir. Tu ne laisses rien dans ce système. Allez. Vomis tout. Sors de cette femme. Sors de cette femme.

Je vous commande. Je les reçois à l'œil. Reste-toi d'accord, le Seigneur t'aime. Tu as fait des diplômes Comment? Quel que soit l'esprit qui vous tenait captif, au nom de Jésus de Nazareth, je commande au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix. Quel que soit l'esprit qui vous tenait captif, au nom de Jésus de Nazareth, je vous sépare de ces esprits. Je ne peux pas cette puissance de la chambre. Je ne peux pas cette puissance de la chambre. Je ne peux pas cette puissance de la chambre. Je ne peux pas cette puissance de la chambre. Je ne peux pas cette puissance de la chambre. À la puissance de Jésus, que je la prends moi, à la fille pour les enfants, la liberté, au nom de Jésus, ma vie, au nom de Jésus, toute puissance, toute sémence de sorcellerie, toute sémence, toute poison, toute puissance, au nom de Jésus, amen là ici. Nom de Jésus Nazareth. Sors. Commandez. Fais la bénir ici devant. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sois fidèle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande. À tout esprit. Je sois fidèle au nom de Jésus de Nazareth. Ceci-là. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom du Seigneur. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom du Seigneur. Toute puissance qui vous tenait. Qui tenait votre corps. Votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle vous lâche. Au nom du Seigneur, tout poison. Je vais voir, madame. Au nom du Seigneur, je vais voir. Comment? Allez-y. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous cherchez, vous le restez là-bas, d'accord? Comment? Au nom de Jésus de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui vous tenait captive. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez que ça sorte de votre système. Commandez. Esprit de sortie d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Je commande. Esprit de sortie d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Commandez. Commandez. Que ça sorte de vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors de son système. Sors de son système. Sors tout. Nom de Jésus Christ de Nazareth. Sors. Je vous commande à tout esprit de sortir d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle.

Je commande la libérer au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit. Sors! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors de son ventre! Sors, toi, sors de son ventre! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors-moi tous tes poisons! Sors tout, tout, vomis-moi tout, tout! Tout! Il dit, vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre! Allez! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Non, mais Jésus de Nazareth! Bouge pas, d'accord? Bouge pas. Regarde, regarde, t'as pas venu ici. Regarde, voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sors! Non, mais Jésus-Christ. Toute puissance. Toute puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Il ne sait pas ce que vous faites au sol là-bas. Levez-vous de la chaise, d'abord vous levez la chaise. Levez-vous de la chaise, vous levez la chaise. Levez-vous là. Non, non, pas vous, asseyez-vous, si vous n'avez pas de problème ici. C'est là-bas. Nom de Jésus de Nazareth. En fait, attendez, celle-ci ne fait pas le pire par rapport à celle-là. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit de sortir d'elle. Toi, puissant, vous allez servir le Seigneur comme il se doit. Je commande. Sors! Sors de cette jeune fille. Sors de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande. Comment tends la main. Comment sors. Si, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Je commande à tout esprit de sortir d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Sortez au nom de Jésus de Nazareth. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit. Sors les mouchoirs là. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout esprit. Attends, donne-moi le carton là. Je commande. Celle-ci doit vomir, elle vomit pour les sortir d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande. Vomis-moi tout, tout ce que tu as mis dans son corps, tout ce que tu as mis dans son ventre, tout, tout le poison. Tape-moi, c'est là-bas, tape, c'est là, tape-moi. Commande, à tout esprit. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande, à tout esprit. Fais attention. Sors-moi ça. Allez. Vomis ça. Vomis tout. Vomis-moi tout ça. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Ça, ce n'est pas encore sorti. Ça, vous parlez du serpent, voici le serpent, c'est le serpent à l'homme maintenant, vraiment. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Doit esprit un peu. Doit esprit un peu. Sors! Sors! Sors! Sors!

Vous devez vérifier n'importe quoi, c'est selon les écritures. Quand vous faites, ce que vous faites là, c'est selon les écritures. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Ouais, ça. Donc, quand c'est venu là, tu penses que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, tu as vérifié dans la Bible que c'est ça. C'est que tu parles. Tu n'as pas vérifié. Il faut le faire. Vous devez le faire. Lâche-la maintenant. Lâche-la. C'était pas n'importe quelle prière, même ici là vous voyez n'importe quoi, pensez que c'est parce qu'on a mis de prier, parce que les esprits se manifestent en vous, c'est nécessairement le même esprit. Vous devez vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Lève-toi, aide la sécurité. Voilà ton robot blanche qui est devenu marron maintenant. Qui t'a appris, pense, qui t'a appris à boire le sang alors? Comment tu sais comment on fait? Comment tu sais c'est venu ou quoi? Ça vient comme ça là, tu bois le sang. Bon maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre alors? Donc on laisse comme ça, n'est-ce pas? On laisse comme ça. On laisse comme ça. Tout est parti. Tout est parti. C'est parti où? Ouais, que tout est parti. Donc, je viens ici. Monsieur qui est habillé en blanc, il fait quoi? Tu as senti le feu et le courant est passé dans toi. Uh-huh. Mais il te voulait quoi alors? Mais quand il a fait ça, il est parti où? Il est allé chez qui maintenant? Il est parti. À chaque fois, qu'il est là, quand il veut prier, il voit. Il est venu et puis il a mis la main dans ma tête. Dieu de m'abaisser. Il ne peut pas m'abaisser. Quand il a commencé à prier pour moi, et puis il a prié pour mon pied là. Ça fait comme si le courant qui est rentré dans mon pied. Bon, ne bois plus le sang, d'accord? Non. Ne bois plus le sang. Mets donc ta main, va sur ton ventre là. Dis tout ce qui est à moi. Qui n'est pas du Seigneur Jésus. Je commande que vous vous séparez de moi maintenant. Continuez.